Sur le canap, ça coule des douilles, y'a du canard sous les couilles. J'prends du plaisir pendant la fouille. Ah ah ah, on vend de la terre avec Rigo. Gentleman avec les mises comme le Jean-Pierre Foucault. Ma mère nique des condés, y'a des beurrets dans la police. J'organise des boucaquets à 70 sur la piste. J'vends du taga au papa, mais aussi à leur fille. J'reconnais une bonne soirée à la couleur de ma piste. Tu vois à la télé, y'a trois folles sur mon matelas. On me dit Fabrice, faudrait t'interner. Laisse-moi tranquille, j'suis ma battela. Il t'a trahi, dis-lui wesh mani. Dis pas bougon moins. Avec ton Armani, grailler des pattes à la fin du mois. Fais du chiffre, j'bibi pour la Ronda. Fabrice Omi m'amène, il est ratal. Les sexes sont des vraies tailles comme en Rwanda. Ma cam guérit du sida, j'suis pas un vandal. Tu peux me biper, j'ai perdu mon frontel. J'ai mis ma mixtape à la poubelle. Quand j'mets en i, j'fais des soleils. Vends le collège, vends, grand berge. Tu me suces la tête à l'envers. Désolé si t'es mal viscère. Moi je vis la mienne, on fait du sale à la vienne. Wesh m'amène, ça va tranquille. On attend quelques kilos, j'ai quelques beurrettes au cachot. Et quelques 10 balles dans mon petit bateau. Enlève tes chaussures dans le bendo. Flip, flop, Ronaldo. Rabat de ouf, fraudage nouf. Fumette sur la piste. Que ça me critique, j'entends pas, j'roule un petit. Y'a les médias qui boycottent sur ma vie. J'gamberge, j'verse des larmes, plus le temps. Au sort-cœur du coin, j'ai usé des paires de sandales. Les comptes foutent le seum, m'amène, j'ai le mental. J'mène la belle vie sans habiter au Mistral. Y'aura des feuilles de canne sur ma paire tombale. Celle des folles est docile, elle voudrait que j'colle son fossile. Son trou du cul plein de petits luges, j'élargis le champ des possibles. Pilon de tote sur un tum-tum, pitché, rempale-moi ta tête de rhum. Je veux pilon pour les bonhommes, pas besoin de paille pour apprécier le caprisson. Avec Lorenzo, on fait tourner le réseau. Pour payer le resto, je veux plus de pâte au pesto. Viens laver à l'eau le javelot de Pablo. Sur le sirocco, j'ai 32 sorties de rhum. Wesh les filles, là j'suis en fumette sur la piste. Que ça me critique, j'entends pas, j'roule un petit. Y'a les médias qui boycottent sur ma vie. J'gamberge, j'verse des larmes, plus le temps de rire.